yukori piko, yukori piko, apati. I made it to the end, it's a brick in the wall. 35 stories high, yeah, no sign of the star. All I asked of this life was the love and no scars. All the shit that I get, I didn't think it'd be hard. I'm seeing one thing, but I know it could be another. All this trial's no good, and even cover the hurt. The best thing right now is if I run from the earth. Take a long vacation, I'll come back to rebirth. Leave everybody behind, she say it wouldn't be worth it. But deep in my mind, I know it's only for one purpose. And yes, I study the risk, for the rest is a burden. If I leave the way I'm thinking, no one gets the insurance. If I live the way I'm living, I don't get to see heaven either way. So who am I this time? I couldn't help to feel pain. So who am I this time? Again, to avoid the rain. I only see one nature, cause there ain't no cure. How the hell did this happen to a soul so pure? Walking on a clear path, now everything's so obscure. Tell me what I gotta do to make it all disappear. Somebody, anybody, I'm all ears. My only fear is what might not happen after here. My only fear is what might not happen after here. My only fear is what might not happen after here. My only fear is what might not happen after here. À plusieurs on mine, la franchise parle. EK, Vision X1. Incorrupt record. List expo, d'experts s'expriment. Parle des deux pendant expo. À plusieurs on mine, la franchise parle. EK, Vision X1. Incorrupt record. List expo, d'experts s'expriment. Parle des deux pendant expo. But I hear this from you, man. Empathique. Empathique. Vision X1. Vision X1. Vision X1. Des fois je ressens le poids du jour et je m'égare. L'hiver amplifie ce fond froid morbide qui m'égorge. Du SDF de la gare au plus atroce film gore. Le réel est absurde et absurde tout pour de l'or. Les mots ne blessent plus, les mots ne blessent. C'est sous les coups que les esprits ploient. Les coups ne gênent plus, les coups ne gênent plus. Et c'est sur des mots que la tristesse se déploie. C'est le gravier, le béton qui corrompt à tout rompre. Les gens essaient de suivre cette maudite rampe. RIP, on les retrouvera demain, main liée à vie. Pour l'éternité, confondu dans la masse. Pour quelques annuités, j'essaie tant bien que mal de rester moi-même. Que ma vision passe à travers mes différents thèmes. Si la poisse ne me condamne pas pour une connerie, je serai toujours là en vie, en vie. J'ai envie de graver la mémoire des miens de mes mains. Quoi qu'il arrive, je représenterai au cas de mes mots. Pas de sommet pour se tirer du B.A.B.A. Empathique, Vision X1 resteront là, ici-bas. À plusieurs on man, la franchise parle. EK, Vision X1. Incorrupt record. List expo, d'experts s'expriment. Parle des deux pendant expo. À plusieurs on man, la franchise parle. EK, Vision X1. Incorrupt record. List expo, d'experts s'expriment. Parle des deux pendant expo. La fin du monde est inéluctable. Les faibles meurent et les nuls tombent. Les conflits pullulent à vue d'œil. Les familles pleurent à chaque ville d'œil. De l'inconnu et le racisme. Aux propagandes guerrières, très peu y résistent. On crache sur des états tels des autistes. Viens on se teste et on se déteste. Puis on se tèle tous en thèse. Optimiste à ta santé. Que veux-tu ici? Pas la violence, tes stress. Ça bosse à la bourse, fructifie la détresse. Les hypocrites sont nombreux et belles sont les dettes. J'crois plus en mes pères, gars, j'attends l'Éden. Au final la mort t'étend, c'est pas tant. La fin des temps, la raison est en domaine des fous, t'entends. Ça parle révolution et ça détale. Pour nos élus la pauvreté n'est qu'un détail. La trahison détonne à l'assemblée des tons. Y'a que le pouvoir qui détienne. Et pour l'honneur, faut nous buter pour qu'ils l'obtiennent. Pourquoi tant de marchés noirs qui n'en courent? Question de survie, slogan, répète ma clique en cœur. Ici sur terre, notre bonheur est partiel. Au paradis, on espère tous avoir notre parcelle. À plusieurs on man, la franchise parle. EK, Vision X1. Incorrupt record. List expo, d'experts s'expriment. Parle des deux pendant expo. À plusieurs on man, la franchise parle. EK, Vision X1. Incorrupt record. List expo, d'experts s'expriment. Parle des deux pendant expo. But I hear this from you, man. Hear this from you, man.